Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est en fin de mois et c'est l'heure de la saga. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du groupe Boney M. Tout commence à la fin de l'année 1974 sur l'impulsion de Frank Farian, un chanteur et compositeur allemand employé par le label Hansa Records. En studio, avec l'aide de musiciens, il enregistre le titre Baby, Do You Wanna Bump, sur lequel il pose en réalité lui-même toutes les voix. Le succès important remporté par le morceau aux Pays-Bas et aussi en Belgique va changer toute son histoire et ça va précipiter la création d'un nouveau groupe. Je vous laisse découvrir le morceau. Do you want a bump? Pour assurer une promotion rapide à la télévision et dans les boîtes de nuit, Frank Farian engage des choristes venus des Antilles, dont Maisie Williams de l'île de Montserrat, pour incarner ce groupe appelé désormais Boney M. Après quelques renouvellements dans les rangs du groupe en 1975, Boney M, tel qu'il entrera dans la légende, est composé en 1976, en plus de Maisie Williams, de Marcia Barrett et Liz Mitchell, toutes les deux des chanteuses jamaïcaines, et du chanteur-danseur Bobby Farrell, natif de l'île d'Aruba. Alors, en réalité, c'est Franck Farian qui interprète toutes les voix masculines, qu'elles soient graves ou aiguës, modifiées électroniquement et préenregistrées. Liz Mitchell est de son côté la seule véritable chanteuse de la formation. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Derrière les quatre membres de Boney M se cache ainsi et surtout le travail phénoménal de Farian qui fera le succès international du groupe. Alors des mélodies parfaitement dans l'air du temps et des instrumentalisations travaillées s'ajoutent au magnétisme des quatre membres. Entre 1976 et 1978, Boney inonde le monde avec ses tubes Daddy Cool, paru en 76, My Baker, paru en 1977, ou encore la reprise du Sunny de Bobby Hebbs en 1977 aussi. Leur version du classique reggae des Melodiums River of Babylon en 1978 sera la troisième meilleure vente de 45 tours de toute l'histoire des classements britanniques. C'est pour dire... Freeze, I'm my baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Rasputin en 1978 et une reprise du Panther Man de The Creation en 1979, le groupe connaît ses derniers tubes disco avec Hurry, Hurry, It's a Holy Holidays en 1979, Gotta Go Home toujours en 1979 et Hell Lute et encore en 1979. L'année 1980 est relativement calme avec l'apparition de 4 singles. Bahama Mama, My Friend Jack, qui sert de fer de lance à la première compilation du groupe The Magic of Bonham, Children of Paradise et Felicidad, qui replace d'ailleurs le groupe dans le top 10 dans de nombreux pays. S'en suivra ensuite en 1981 une tournée en Afrique et l'enregistrement d'un nouvel album, Bonononos, qui paraîtra à l'automne. En 1982, Bobby Farrell quitte le groupe et est remplacé par Reggie Tsiboué jusqu'à la réintégration de Bobby Farrell en 1984. when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Sortie commerciale s'espace et l'album 10,000 Light Years ne sort qu'en 1984. Le groupe est en perte de vitesse et ne rencontre pas le succès qu'il avait connu au cœur des années disco. Il va falloir d'ailleurs attendre l'enregistrement de Kalimba de Luna en 1984, le tube de Tony Esposito et de Happy Song pour retrouver le groupe dans les classements européens. En 1985, Boney M sort son ultime album Ice Dance. L'album sera un échec commercial et après un spectacle célébrant leurs 10 ans de carrière à la sortie d'une compilation, une sorte de best-of, les membres du groupe se séparent en 1986. Sunshine. 1989, alors que Liz, Marcia, Maisie et Bobby sont tous dispersés dans le monde, le groupe originel se reforme et triomphe à nouveau en Europe avec un Megamix qui sera numéro 1 en France, suivi du Summer Megamix. Ça sera un medley qui reprend tous les tubes dans une nouvelle version. La mode des Megamix sera alors lancée et de nombreux artistes tenteront l'expérience. On fera peut-être un numéro spécial Megamix, me direz-vous. Ce sera la dernière fois où les quatre membres officiels de Boney M seront ensemble sur scène. Alors de 1975 à 1986, Boney M aura à son actif 42 disques d'or, 50 disques de platine et 50 disques de diamant. De la fin des années 1990 à 2010, chaque membre originel du groupe se produit avec sa propre formation sous le label Boney M. Alors que le groupe est en tournée en Russie, Bobby Farrell succombe à une crise cardiaque le 30 décembre 2010 à l'âge de 61 ans dans un hôtel de Saint-Pétersbourg. On va se quitter sur Sony et je vous souhaite une bonne semaine et à samedi prochain. Bye bye.